Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. À l'occasion de la sortie en salle de Largo Winch, revoyons ensemble le premier tome en DVD. Le milliardaire Nero Winch est retrouvé noyé. Une mort forcément suspecte quand on sait qu'il s'agit du fondateur et principal actionnaire d'un puissant et tentaculaire groupe. Qui va hériter de cet empire économique ? Officiellement, Nerio n'avait pas de famille, mais il cachait un secret. Un fils, Largo, adopté presque 30 ans plus tôt dans un orphelinat bosniaque. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous voilà à un tournant de notre histoire. Notre fondateur nous a quittés. Nous sommes sans défense. Le groupe court à la catastrophe. Nerio avait conçu une excellente parade. Un fils adoptif. Il est temps de te préparer au rôle auquel tu es destiné. Tu es Winch, Largo. Ce qui compte, c'est ton avenir. Ladies and gentlemen, allow me to introduce Mr. Largo Winch. Votre objectif n'est tout de même pas de diriger le groupe. Je n'ai qu'un seul objectif, découvrir qui a tué Nerio Winch. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Fais attention à toi, là. Où est Largo? Il ne doit pas être loin. Je veux tous les accès fermés. Je suis le méchant de l'histoire. Vous croyez? Je vais racheter le groupe W. Je suis majoritaire à 65%. Je n'aime pas perdre. Maintenant, on peut le tuer. Largo Winch, un film de Jérôme Salle avec Tomer Sisley, un DVD Whiteside.